L'horizon, la raison, c'est l'horizon. L'horizon, pauvre vieux, qui a peur de l'enfer. Et tu cherches un pardon pour toute ta vie passagère. Et tu occupes, et tu penses à ton père, qui de toi ne voit pas où dans le vent tu te perds. Qui de toi, qui de toi, et il me voit. Je s'abuse pour sa vie. On s'achète, on se vend au gré des hémisphères. On se vend au gré des hémisphères. Pour le peu, pour le content. Pour un pied vers la lumière. On s'achète, on se vend au gré des hémisphères. Pour le peu, pour le content. Pour un pied dans la lumière. Tout s'achète. Pour un peu qu'il y ait la guerre, pour un peu qu'il y ait la guerre, on se met sur des bancs, chaussons vaisselle, allume cigare, tard, fouettard, addiction, ration, addiction. On s'achète, on se vend, au gré des hémisphères, pour le peu, pour le content. En pierre, la lumière, tout s'achète, tout se vend, pour quoi qu'il y ait la guerre, on s'achète, on pour le content. En pierre, la lumière. Pour le temps, pour le pied.